François Kimana sur la mise en onde, merci pour votre fidélité, amis auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 23 février 2021. Donc voici d'abord les grands titres. Il y a espoir que les prisonniers de la grâce présidentielle, les bénéficiaires de la grâce présidentielle fin 2019, puissent enfin être libérés. Le président de l'organisation Nawaliza de défense des droits des détenus informe que la commission ad hoc est déjà sur terrain pour répertorier les graciers qui croupissent toujours en prison, vous l'entendrez. Et les terres appartenant au Burundi se trouvent maintenant sur le territoire congolais au niveau de Nyamitanga de la commune de Buganda en province de Chibitoke. C'est suite à l'inondation de la rivière Rusizi, les cultivateurs de la localité demandent l'intervention du gouvernement burundais. Et dans la chronique santé, comme vous en êtes habitué, tous les mardis, aujourd'hui, on va vous parler de l'occlusion intestinale. Restez branchés sur nos ondes, ce n'était que l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Des hectares de champs de bananiers, manioc, sorgho et haricots de la commune de Busoni, en province de Kirundo, au nord du Burundi, ont été endommagés par une pluie torrentielle mêlée de vents violents et la grêle tombée l'avant-midi de ce lundi. À côté de ces champs, 6 maisons ont été détruites et des animaux domestiques dont le nombre est jusqu'ici inconnu sont morts. La population et l'administration demandent aux bienfaiteurs de venir en aide aux familles victimes de ces aléas à Abraham Safari. La pluie torrentielle mélangée avec du vent violent et de la grêle tombée dans l'avant-midi de ce lundi a causé d'énormes dégâts en commune de Busoni de la province de Kirundo. Comme le précise Dispense Savimana, administrateur de la commune de Busoni, des hectares de champs de culture de bananiers, manioc, sorgho et haricots ont été endommagés. Les collines les plus touchées, comme le poursuit cet administratif, sont Mugobe, Runyinya et Munyinya dans la zone de Mukergwa, Rugarama dans la zone de Gisenyi et une partie de Kabanga dans la zone de Murore. À côté de ces champs de culture, 6 maisons ont été complètement détruites, des animaux domestiques également abattus. 2 cadavres de chèvres ont été retrouvés, mais l'administrateur signale qu'il y aurait d'autres qui auraient péri au cours de cette pluie. La population victime de cette aléa demande une aide d'urgence car, selon elle, elle ne voit pas comment leurs familles vont survivre dans les prochains jours. Certains parmi les membres des coopératives Sangwe signalent qu'ils viennent de perdre énormément et demandent surtout les semences. De même que l'administrateur Disma Savimana, il lance un appel aux bienfaiteurs ainsi qu'au gouvernement du Burundi de venir en aide, surtout dans l'octroi de la toiture des maisons détruites ainsi que les semences. Rappelons que le même cas s'est produit il y a 3 jours en commune de Kirundo où la pluie a démoli plus de 50 maisons ainsi que 3 de classe, sans oublier les champs de bananiers. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. De Kirundo, rendons-nous à Chibitoke où les propriétaires des terres envahies par les eaux de la rivière Rusizi du côté de la localité de Nyamitanga, commune Buganda, disent avoir enregistré d'énormes pertes. Ils demandent que la question des terres burundaises qui reviennent aux Congolais suite aux inondations de la Rusizi soit traitée au plus haut niveau. L'administrateur de la commune Buganda, quant à lui, reconnaît cette situation déjà soumise au ministère de tutelle. Reportage signé Alexis Ndahiragije qui s'est rendu sur les lieux. Plus de 100 hectares de terres sont déjà envahis par les rivières Rusizi du côté du Burundi. Ces terres se trouvent en commune Buganda, zone d'Avana, localité de Nyamitanga. La rivière Rusizi alors continue à se déplacer vers le Burundi. Les terres qui se trouvaient au Burundi revenaient à la République démocratique du Congo. Les cultivateurs de la localité de Nyamitanga qui exploitaient ces terres en cultivant le riz, le maïs, la tomate, le poivre, le sorgho, les légumes et autres indiquent qu'ils enregistrent de pertes énormes. Mais surtout en argent. Nous avions des champs de riz et des haricots, mais aujourd'hui, tous ces champs ont été envahis par cette rivière. Nous venons de perdre nos champs. En fait, cette rivière vient de causer beaucoup de dommages pour les cultivateurs qui avaient des champs. Ils demandent que la question de ces terres soit traitée au haut niveau. C'est-à-dire que cette partie vient d'appartenir à la RDC. Si rien n'est fait, nous allons toujours perdre. Nous ne pouvons rien faire. L'État vient aussi de perdre son domaine à cause de ses eaux. Maintenant, le domaine qui revenait à l'État burundais est du côté de la RDC. L'administrateur de la commune Buganda, Pamphile Hakizimana, indique que la situation de ces terres a été soumise aux autorités hiérarchiques au sein de son ministère. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndayiragije. Après une courte pause, parlons droit de l'homme sinon justice. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h01 dans les cieux de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Justice, comme je vous le disais tout à l'heure, l'association Nabariza qui milite pour les droits des prisonniers espère que les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle fin 2019 seront bientôt relâchés. Jean-Marie Chimilimana, président de cette association, place son espoir sur les descentes effectuées par les juges dans les différentes maisons pénitentiaires pour identifier les détenus concernés. Suivez plutôt Jean-Marie Chimilimana, qui est traduit en français par Armel Motor. Dans le discours du président de la République prononcé le 31 décembre, comprenons bien, il a annoncé la mesure de gracier plusieurs prisonniers, mais nulle part il a précisé le délai ni la date de libération des prisonniers. Dans notre association Habariza, nous remarquons plutôt beaucoup de préparatifs au niveau de la justice. Vous savez que plusieurs irrégularités ont été relevées dans les dossiers des prisonniers lors du premier recensement mené dans les prisons. Les juges ont effectué des descentes dans toutes les prisons du pays. Nous nous attendons à la mise en application des propos du président de la République de libérer les prisonniers qui sont dans leurs droits et non ceux qui ne le méritent pas. Avec cette volonté manifeste de la justice, nous pouvons assurer à ces prisonniers qu'ils vont bientôt bénéficier de la grâce du président et être enfin libres. Nous suivons de près ce dossier. Nous sommes au quotidien en contact avec le ministère de la Justice. Donc nous tranquillisons que dans un délai court, tout sera dans l'ordre et nous assurons que nous allons vérifier que ceux qui doivent être libérés seront effectivement relaxés. Jean-Marie Chimilimana, il est président et représentant légal de l'association Nabariza qui milite pour les droits des prisonniers. Revenons dans les provinces, mais cette fois-ci pour parler éducation. Plus de 500 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en commune scolaire de Matongo. Gilbert Yumeko, directeur communal d'enseignement à Matongo, explique cette situation par le commerce ambulant de certains produits agricoles pratiqués dans cette localité. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, on demande à toutes les parties prenantes en matière d'enseignement d'intervenir pour la diminution du taux d'abandon scolaire. Patrick Nsengiyoum. D'après les données chiffrées fournies par la direction communale d'enseignement en commune Matongo, environ 541 élèves dont 514 du cycle fondamental et 27 du poste fondamental ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Les mêmes données montrent également que parmi ces élèves ayant abandonné l'école, 329 sont de jeunes garçons contre 112 jeunes filles. Yumeko Gilbert, directeur communal d'enseignement en commune Matongo, indique que ce décrochage scolaire en cette localité a comme cause principale le commerce ambulant qui se pratique sur les bords de la route nationale numéro 1. Le directeur communal d'enseignement à Matongo précise que de jeunes garçons quittent l'école pour pratiquer les activités commerciales de différents fruits, des tomates, du petit pois et du maïs grillé, tandis que de jeunes filles, quant à elles, quittent l'école pour s'adonner aux activités champêtres de ces différents produits. D'autres filles abandonnent l'école pour aller exercer des travaux ménagers en ville de Bujumbura, ajoute Gilbert Yumeko. Soit responsable de demande à toutes les parties prenantes en matière de l'éducation scolaire, surtout l'administration et les parents, d'intervenir beaucoup en sensibilisant les élèves sur l'importance de l'école. Alice Sengiumba, administrateur de la commune Matongo, fait savoir que dans différentes réunions qu'elle tient à l'endroit de la population, elle ne cesse d'inviter les parents à sensibiliser leurs enfants que l'école est la seule source du développement durable. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, l'on se dit inquiet de ce taux élevé du décrochage scolaire. Dismas Sindouimana, conseiller pédagogique à cette même direction, demande aux parents, aux éducateurs et à tous les partenaires en matière de l'éducation scolaire à redoubler leurs efforts dans l'éradication du décrochage scolaire en cette localité. Depuis Kayanza, Patrick Sengiumba pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengui. On va s'entendre à présent d'abord pour parler de ce procès verbal sanctionnant une rencontre entre le ministère de la Santé publique, celui de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique et des responsables des hôpitaux comme l'hôpital de Karoussi, l'hôpital de la police nationale, la Roi Khaled et la clinique Prince Louis Gwagasore ainsi que d'autres cadres concernés. Il a été donc recommandé d'organiser le service des morgues et des hôpitaux publics afin de permettre la continuité des activités, informatiser la gestion des services des morgues. Dans son procès verbal, la mairie de Bujumbura a été invitée à mettre en place une morgue publique pour la gestion des décès à domicile, ainsi que les accidents de la voie publique. Après la mise en disposition du commissaire de la police judiciaire, des agents de ces trois morgues pour une enquête approfondie des sanctions administratives à l'endroit de certains administratifs affectés aux trois morgues ont été prises en attendant les conclusions des enquêtes dans ce procès verbal. Et le taux de fréquentation au centre de la BOBF de Djabé a sensiblement diminué jusqu'à 30% suite au COVID-19, propos de Jocelyne Kanyang, responsable de la clinique de la BOBF. Mais elle ajoute que des stratégies ont été adoptées pour faciliter les services de santé sexuelle et de la reproduction suivie. Les clients ne viennent pas comme avant. Nous remarquons une diminution des clients dans notre centre. Le centre n'est pas beaucoup fréquenté. Les clients ne viennent pas comme avant. Mais quand nous remarquons la diminution des clients, que les clients ne fréquentent pas le centre comme avant. Nous faisons des visites à domicile. Nous faisons également, chaque matin, il y a des séances de PS que nous dispensons. Il y a également la clinique mobile qui est là. Ça, c'est pour récupérer les cas d'abandon. Nous sommes déjà, actuellement, nous sommes à 30%. Nous avons repéré au moins ce que nous avons, les clients que nous avons repérés. Nous les avons récupérés. Avant, il y a beaucoup de clients, mais avec la pandémie, les clients ne fréquentent pas le centre convenablement. Mais quand même, il y a des stratégies que nous envisageons à faire, qui nous fait que nous pouvons récupérer ces cas abandonnés COVID. Il y a d'autres qui abandonnent. La paix que nous avons continué à faire des mesures de prévention, de montrer les mesures de prévention. Nous avons également dissipé cette paix qui empêche les clients à fréquenter nos centres. Il y a des séances également qui se font chaque matin de lavage des mains. Radio Isanganiro, chronique santé. Chronique santé pour vous parler de l'occlusion intestinale qui est une obstruction partielle ou totale de l'intestin grêle ou du côlon. Le docteur Théophile Naumaga, chirurgien viscéral, précise qu'il y a plusieurs causes, notamment les tumeurs malignes ou bénignes du grêle ou du côlon. Il ajoute également que ce blocage empêche les aliments, les liquides et les gaz de circuler normalement au niveau de l'intestin. Les douleurs abdominales et vomissements sont certains symptômes de cette maladie. Ornella Mucho. Lorsque le transit intestinal est bloqué, on parle d'occlusion intestinale. Le chirurgien viscéral Théophile Naumagadze fait savoir que l'occlusion intestinale est due à différents problèmes comme les tumeurs. La cause peut être un obstacle endoluminal, donc à l'intérieur de la lignée de l'intestin. Ça peut être un corps étranger, ça peut être un calcul biliaire, ou bien ça peut être un obstacle pariétal, par exemple une tumeur bénigne maligne du grêle ou du côlon, ou bien ça peut être une compression extrinsèque, donc c'est par une tumeur d'un organe de voisinage ou par une adhérence post-opératoire qui vient comprimer l'intestin. On peut aussi trouver des occlusions par strangulation, donc qui peut s'agir d'un volvulus, d'un étranglement ou d'une invagination intestinale. Dans ces cas, l'occlusion va aussi intéresser les vaisseaux du mésentère. Les causes de l'occlusion intestinale peuvent être liées à d'autres maladies secondaires.